ça dure au collège, mon comportement je le voyais. Au fond des ordures, ma violence est interne, ça vaut mieux pour que dans le tard quand même. Mais pas on a cassé des tampons, on essaie de permettre. Je te montrerai mon talent, les oreilles sont cernées. T'entends déjà le son, tu peux t'en prendre des livres. C'est déguisé en trompe, t'as croisé un type, ça m'a monté dans le temps, même des trompeurs. Pour moi, tout le monde, quand on dit, j'ai raconté une bonne chose, là. Et je t'en perso, je me dis. Yo. We'll be right back. Thank you. Thank you.